Sainte Bible selon Saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 52. Lève-toi, lève-toi, revêt-toi de ta force, Sion. Revêt-toi des vêtements de ta gloire, Jérusalem, cité du Saint. Parce qu'il n'y aura plus à l'avenir d'incirconcis qui passera au travers de toi, ni d'impur. Sors de la poussière, lève-toi, assieds-toi, Jérusalem. Romps les fers de ton cou, captive fille de Sion. Parce que voici ce que dit le Seigneur. Pour rien vous avez été vendus, et sans argent vous serez rachetés. Parce que voici ce que dit le Seigneur Dieu. Mon peuple descendit en Égypte dans le principe pour y être colon, et Assur sans aucun sujet l'a traité avec violence. Et maintenant, qu'ai-je ici à faire, dit le Seigneur, puisque mon peuple a été enlevé sans motif? Ces dominateurs agissent iniquement, dit le Seigneur, et sans cesse tout le jour mon nom est blasphémé. À cause de cela, mon peuple connaîtra mon nom en ce jour-là. Il saura que moi-même, qui parlais autrefois, me voici présent. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce et qui prêche la paix, qui annonce le bonheur, qui prêche le salut, qui dit à Sion, il règnera ton Dieu. La voix de tes sentinelles, elles ont élevé la voix. Elles chanteront ensemble des louanges. Parce que Yahweh, elles verront, lorsque le Seigneur convertira Sion. Réjouissez-vous et chantez des louanges ensemble, désert de Jérusalem. Parce que le Seigneur a consolé son peuple, qu'il a racheté Jérusalem. Le Seigneur a préparé son bras saint aux yeux de toutes les nations. Et ils verront tous les confins de la terre le salut de notre Dieu. Retirez-vous, retirez-vous, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. Parce que vous ne sortirez point en tumulte, et vous ne vous précipiterez point dans votre fuite. Car le Seigneur vous précédera, et le Dieu d'Israël vous rassemblera. Voici que mon serviteur aura l'intelligence. Il sera exalté, élevé et glorieux. Comme beaucoup ont été frappés de stupeur à son sujet, ainsi sera sans gloire son aspect parmi les hommes et sa forme parmi les fils des hommes. C'est lui qui aspergera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront leur bouche. Parce que ceux à qui il n'avait pas parlé de lui l'ont vu, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler l'ont contemplé. De la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.